parfois tu as du mal à avancer. Si tu te sens seul, si tu te sens paumé, quand la nuit s'éternise, que l'obscurité t'oppresse, même désemparé, même si tu ne sais quelle loi suivre, ne baisse pas les bras et ne perds pas espoir, car Allah est toujours proche de toi. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah, tu trouveras ta voie. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah, tu trouveras ta voie. Si parfois tu commets tant de fautes que pour te repentir tu penses qu'il est trop tard, tellement confus des mauvais choix que tu fais, qui hantent ton esprit et emplissent ton cœur de honte. Ne baisse pas les bras et ne perds pas espoir, car Allah est toujours proche de toi. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah, tu trouveras ta voie. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah, tu trouveras ta voie. Allah, il n'est jamais très loin. Fais-lui confiance, lève tes mains et prie. Oh ya Allah, guide nos pas, protège nos doléances. Tu es le seul qui puisse nous montrer la voie, nous montrer la voie. Ta voix.